Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Alors, on va se marrer comme chaque semaine. Alors, vous l'avez entendu, le graillon de service, le Jurassic Park des ondes. Il y en a qui iront pas jusqu'à la fin de l'émission. Bob du club. Salut les filles. À ses côtés, il s'est lui-même baptisé en arrivant dans le studio l'arrière-grand-mère d'Alice Sapriche, alias Régine. Ah, de Régine. GG. Ah, ouais. Alors, on s'excuse par avance pour les fans de Maurice. Il n'a pas pu venir ce soir, non, malheureusement. Hey, si GG est l'arrière-grand-mère de Régine, c'est la preuve que la beauté sauve pas toutes les générations. Face à eux, nous avons un permanent également, dont on attend le retour sur scène dans sa partouze, notamment. Vu ce qui me reste de cheveux, ça risque pas d'être une permanente. C'est marrant, ça se voit avec le casque. Ouais. Oui, oui. C'est Frédéric Koester. Moi, ce qui m'embête, c'est que je t'entends mieux avec le casque. Ouais. Mission sera réalisée comme chaque semaine par David. Oh, ouais, bravo. C'est lent. C'est le casqueur. Ah oui. C'est le casqueur. Alors. Et animé par Philippe Bello, bien sûr. On a une très bonne émission. Enfoiré. Frédéric, comme chaque semaine, oui. Un invité. Oui. Un invité de Marc. Ah. Ah bon ? Qui ne s'appelle pas Marc. Ah, non. Qui nous vient d'une contrée lointaine. Ah. Et néanmoins ami. Ah, les autres Gaules. Alex Vizorek. Bonsoir à tous. Alors, ce nom-là au Scrabble. Ah, c'est oui. Beaucoup. Ouais, ouais, tu ouais. Fais péter la tirelire. Hein. Si tu mets le Z et le K sur des mots comptes double et triple, il y a un X, un Z et un K, dis donc. Et tu sais, j'en ai enlevé des lettres parce qu'il est plus compliqué que ça. Ah oui. Il y a un W. Mais en France, vous prononcez pas bien le W. Ah non. Bah, comment ça, on présente très bien le W. Mais pas du tout. Parce qu'on avait dit pas d'accent. Et c'est parti, l'âge de guerre est sorti. Non, non, parce qu'en France, en fait, ils ont fait deux lettres pour prononcer V. Oui. Donc. Ben le W. Mais non. Donc c'est qu'il y a deux sons différents. Donc on dit wagon et pas wagon. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et du wagon. Oui. Bah ouais, parce que c'est un W évidemment. Et donc moi j'ai enlevé mon W de début parce que je me suis dit les Français vont pas y arriver, on va laisser le V. Oui, mais alors on dit le chiffre 8, on dit 8. Alors pourquoi vous dites 8? Oui. C'est parce qu'on met un W où il en faut pas. Ah. Alors, tout s'explique. C'est pour fêter l'arrivée également de nouveaux auditeurs sur Bruxelles. Bonjour les compatriotes. Voilà, donc on a un Belge ce soir qui va défendre nos amis belges. Donc ce soir nous sommes donc en France. Avec donc tu verras, c'est une émission française avec des jeux français. Ah oui. Des blagues françaises aussi, des tournées de blagues françaises. Mais avant ça, on va dire quand même que tu seras le 5 avril prochain au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Ah oui. À Paris. À Paris. Chez vous. Pour un plateau avec 6 humoristes belges et ton spectacle. Et puis que tu seras également au Festival d'humour Drôle de Zèbre au Palais des Fêtes à Strasbourg le jeudi 12 avril. Exactement. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Voilà. C'est le titre du spectacle. Ça, c'est dit, c'est fait. Voilà. D'ailleurs, l'affiche, on te voit avec. C'est quoi ? C'est une cymbale ? Qu'est-ce que tu te mets sur la tête ? C'est une cymbale, ouais, que je mets au-dessus de ma tête. Parce qu'en fait, chaque sketch parle d'un art, si tu veux. Donc, il y a un sketch sur la musique classique où je pose la question de savoir pourquoi on devient joueur de cymbale. Oui. Parce que c'est pas normal, si t'aimes la musique, tu choisis pas cymbale comme instrument. Et donc, je crois qu'il y a un petit extrait d'ailleurs qu'on va écouter tout à l'heure. Vous saurez un peu, j'ai fait une grosse réflexion sur le sujet. D'accord, il y a plein de choses dans le spectacle, mais tout tourne autour de l'art. Il y a un sketch sur le cinéma, sur la sculpture, sur la tauromachie. Donc, c'est vraiment chaque fois, c'est l'art qui est un sujet de sketch. Et après, ça part en sucette, j'ai envie de dire. Ah oui. Bon. Et ben alors on aura des extraits dans l'émission, mais on va te demander bien sûr de participer à nos tournées de blagues, à nos jeux, à nos épreuves. Mais tu verras que cette émission est une épreuve. La première, c'est le baptême, c'est le baptême de l'équipe adverse. Et oui, puisque vous allez marquer des points et pour que les auditeurs puissent suivre, je comprends. Voilà, il faut baptiser l'équipe de GG et Bob. Eh bien, comme j'ai l'impression que ça va être une âpre lutte, oui, ce sera les Flamands contre les Wallons. Oh là là là là là là. Attention. Oui, alors donc ça sera les Flamands contre les Wallons. Ah. À part ça, il n'y a pas de censure. C'est incroyable quand même, la liberté. Attends. Pourquoi tu nous demandes de te donner un nom alors ? Non mais attends, et pourquoi on te demande de voter ? C'est vrai. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous fait le bénin ? Première. Alors, première question. Ah. Une étude menée en Suisse. Alors la première question, c'est pour un point. Donc une étude tout à fait officielle, non, donner, quoi. Menée en Suisse, nos cousins les Suisses, vient de donner des résultats très intéressants sur l'odeur de transpiration humaine. Ah. Et on s'est rendu compte que l'homme et la femme ne sentent pas la même chose. Ah non. Que sentent-ils? Et elles? Alors les femmes. La sueur ne sent rien. C'est les bactéries qui vont avec qui sentent. Voilà. Et c'est ça que je te dis. Ah, il y a des intellos. Le professeur nous entend l'autre. Je dis donc, c'est les bactéries qui sentent. Non, oui. Moi, ce que je te demande, c'est quelle odeur ça dégage. Une femme dégage une odeur. Et les hommes en dégagent une autre. Tout ça parce qu'il est abonné à Ça m'intéresse. C'était pas Science et Vie Junior ? Ah non. Non, c'est Science et Vie maternelle. Gériatrique. Bah, non. Oh, non. Ah, c'est parti. Ah non, c'est. Commence bien. Non. Ils sentent, et c'est vrai que maintenant que je le lis. Ah, les hommes sentent des pieds. Oui. Non. Une odeur particulière. Pensez à des odeurs fortes. Ah. Le boudin, les femmes sentent le boudin très fort. Non, la mayonnaise. La chèvre. Le bois. Tu connais une femme qui sent la chèvre? Ah, moi, j'ai jamais reniflé. Moi, j'en connais une. Ah, oui, moi, j'en connais une. T'en connais une qui sent la chèvre? Bah, il arrête pas de dire bonjour ma biquette. Alors, ça, ta femme. La forêt? Non. Sympa la forêt. Pourtant, ce sont des odeurs. Ce sont des odeurs assez fortes. Et l'homme aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, ça sent le musc. C'est quoi? C'est une odeur de plante, de sauvage. Alors, les femmes, pour tout vous dire, c'est l'odeur d'un légume. Ah. D'un légume, la carotte. Non, un légume assez qui dégage une odeur assez importante. Ah, le chou. Ça, c'est quand elle pète. Ah, le haricot alors. Non. Alors, bah alors, ce point. Voilà, s'en navait, la femme s'en navait. Non, pensez à un légume qui dégage une odeur importante. Le chou-fleur. Non. Le chou de Bruxelles. Le poireau. C'est thématique. Le poireau, il me dit, mon copain. Non, c'est pas le poireau. Bon, légume. Alors je vais t'aider, Bob. Oui, merci. Non, mais je vais dire un truc, c'est que j'ai pas d'odorat. Ah. C'est mon seul handicap, mais par contre, je reçois pas le truc pour me parquer sur les places handicapées. Ah, mais j'ai quand même un sens en moins, et donc je suis totalement incapable de répondre à cette question. Ah. Donc tu sens mon inactivité. Le goût, ça va. Moi, je vais aider Bob. Alors pour les femmes, Bob, pour donc ta femme. Donc tu me laisses tout seul. Ah, tout à fait. T'as remarqué d'ailleurs, et j'aimerais que tu trouves cette réponse. L'asperge. Alors, je voudrais ça, c'est après 10h du soir. Non. La pomme de terre. La courgette. Non. Alors, réfléchissez à un légume qui dégage une odeur tellement forte qui... Bon, moi, j'en ai connu qui sentait le champignon, mais je sais pas si je peux en parler. Alors, justement, on peut en cuisiner avec des champignons, justement. Le poivre. Ah, l'ail. Non, l'autre. L'oignon. L'oignon. Alors, l'oignon. Ah, la femme sent l'oignon. Oui. Bien sûr. Oui, mais ça, tout le monde sait. Alors, ça. La femme sent l'oignon. Oui. Alors, les hommes. J'en connais quelques-uns qui sentent l'oignon aussi, mais bon. Mais pas le leurre. Alors, les hommes, qu'est-ce qu'ils sentent? Le jasmin. Il y a quand même parlé aux Tunisiens. Mais... Alors, pensez un peu à. Un homme qui transpire beaucoup. Vous avez jamais été dans un sauna? Ah, il sent le ballon. Enfin, ça fait longtemps. Le ballon. Tu vas dans un gymnase? Non. Ça c'est pareil, ça fait longtemps. Bon, quand Maurice arrive, il enlève ses chaussures. Non, il met ses charentaises. Ah oui, là, ça sent le camembert, le fromage. Pas de réponse. Oh. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah non, c'est une vraie étude. Non, c'est une vraie étude. Et ça vous permet de marquer un point. Un point pour les Flamands. Enfin, t'en as qui sentent le gouda et puis l'autre, c'est le maroilles. Hein, oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est important. C'est que la sueur, ça ne sent rien. Ouais. Hein, c'est des gens sales qui puent. Voilà, exactement. C'était la minute du professeur du club. Donc, dans quelques instants... Toi, tu sens pas, oui. Dans quelques instants... non plus. Si on pouvait poser une question à laquelle je peux participer, ça serait ça. Alors, cher Alex, dans quelques instants, nous allons te faire participer, car ça va être la première tournée de blagues de l'émission. Donc, faut faire chauffer les blagues. Ah. Préparez-les. On revient juste après la pause avec Alex Vizorek. Ouais. Retour, on va se marrer avec Alex Vizorek. Ouais. Alex, qui, je vous le rappelle, sera le 5 avril prochain à Paris au Centre Wallonie-Bruxelles et le 12 avril au Palais des Fêtes de Strasbourg. Alors, en plus, j'ai vu qu'il y a le site internet pour en savoir plus sur ton spectacle notamment. Tout à fait, www.kingsofcomedy.be pour la Belgique. Belgique. Ah oui, BE. Ah, ah, oui, monsieur. Alors, la tournée de blagues, bah, c'est généralement des petites blagues mignonnes que les auditeurs attendent. Peut-être des histoires belges, on ne sait jamais, même si on nous avait demandé d'en faire un peu moins. Mais ah oui, peut-être que ce soir, monsieur Mandépune. Nous sommes incorrigibles. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Ah, une petite mignonne de... Maurice n'est pas là, j'espère qu'il sera avec nous quand même un petit peu. Ah ben on pourra faire dans la tournée de blagues une blague de Maurice. Ah, quand même. Mais la première, c'est celle de Gégé. Et voici la blague de Gégé. Une blague à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Un matin, à la SNCF, un agent de maintenance arrive en retard avec la gueule ravagée. Ses collègues lui demandent « Eh ben Fernand, t'as fait la fête toute la nuit ou quoi ? Oh là là, il m'en parlait pas. Ben raconte !» Bah hier soir, je faisais même une petite intervention au niveau de l'aiguillage et j'ai découvert une femme attachée sur la voie. Ah bon ? Si, je vous jure. Mais qu'est-ce que t'en as fait ? Bah je l'ai ramenée chez moi. Et puis comme elle avait froid, je lui ai fait couler un bain bien chaud. Après, je l'ai mise au lit. Elle avait encore froid, alors je l'ai massée. Et puis ça a dérapé. On a baisé toute la nuit. Oh mais c'est génial ton histoire. Mais au moins, elle était jolie. Bah je sais pas, j'ai pas retrouvé son crâne. Un monsieur à l'hôpital, la tête toute enveloppée avec un solide pansement, l'infirmière lui dit « Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer. » Bah, faut dire que d'habitude, elle me manque, mais là, elle m'a pas loupé. Hein. Hey, t'as vu que maintenant, il enchaîne ses blagues directes pour qu'on mette pas le jingle. Coupe. Oui, mais on le mettra quand même. Ah. Est-ce que vous connaissez le dieu de la Somalie ? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. J'ai cru que t'allais dire le dieu de la Somalie. La Somalie. Oui. La Somalie. Oui, le dieu de la Somalie. Non. Oncle Benz. Oh. Alors, moi, c'est un monsieur et madame. Hein, vous connaissez ? Ah oui, monsieur et madame. Monsieur et madame stériles n'ont pas de fils. Mais c'est normal, hein. C'est oui, et mes applaudissements. Alors, ouais, c'est bon. Alors la blague d'Alex Visor. Et donc c'est mon tour. Eh oui. Oui. Ben alors c'est un contrôle anti-alcool sur une route et l'agent arrête quelqu'un et lui fait souffler dans le ballon et le type dit écoutez je suis désolé j'ai un peu picolé et l'agent le reconnaît, c'est le jongleur du cirque où il a été avec ses enfants la veille. C'est fou. Ouais, et il avait effectivement fait un super numéro et il dit au jongleur écoutez moi vous m'avez fait tellement rêver hier. Si vous avez vos balles et tout, vous jonglez et puis je vous laisse passer quoi. Et donc il va dans le coffre, il sort, bon lui c'est jamais avec son boulot, donc il commence à jongler 5-6 balles, pop. Et puis il y a une autre voiture qui arrive derrière et le mec il dit à sa femme, putain moi j'arrête de boire, si les contrôles sont difficiles comme ça. Et si TF1 Publicité Belgique. Ah non, ça suffit. Ah non, nous avons des nouvelles de nos astronautes belges. Ah oui. Ah ben ils sont partis vers le soleil. Hein. Ah oui. Mais dites donc, Van de Pute, vous êtes en téléphone avec nous, oui. Oui. Alors, c'est Monsieur Van de Pute, nous sommes dans la fusée. Hein. Mais alors, il paraît que vous allez donc essayer. Oui, nous allons. Mais vas-y, enfonce-toi bien. Vous allez essayer de vous poser sur le soleil. Mais on va sur le soleil, oui. Mais attendez, il y a quelque chose quand même que tous les amis belges qui nous regardent. Doivent se poser comme question, c'est que aller sur le soleil, mais vous allez brûler. Mais tu crois qu'on est con, on y va la nuit. C'est malin parce que maintenant, quand je vais en Hollande, à cause de toi, je suis obligé de passer par l'Allemagne. Sinon, je me fais tirer à vue. Avec un fusil, je veux. Remarque, on te voit bien. Ah, on dirait le rire de... Ah, le Lambert. Oui, Jonathan Lambert. Ça ressemble un peu, oui. Ah, il nous manque Maurice qui n'est pas là. Ah, tu connais... Ah oui, tu ne connais pas Maurice. Mais, alors, je suis très malheureux parce que vous en parlez... Tu perds rien. Mais Maurice a une spécialité dans l'émission, c'est les blagues foirées. Ah oui. Il ne le fait pas exprès. On a des exemples récents. On vous promet, chers auditeurs, et te promet, Alex, il ne le fait pas exprès. Mais ça, c'est un talent de rater les blagues. Oui. Ah oui, tu vois, il y a des gens, ils racontent bien. Non, mais là, c'est con, tu vas voir qu'il a un grand talent. On a une petite blague en secours. Là. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Ah là, Maurice, je suis sûr qu'il y a des points. Oui. Je suis sûr qu'il y a de la ponctuation. Deux perchistes parlent, virgule. Voilà.

Retour on va se marrer avec Alex Vizorek. Alex, t'es mauvaise langue, tu nous disais hors antenne de le Bob, il doit avoir Alzheimer. Non, pas tous les soirs. Mais que, comme dirait Walter, Alzheimer, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est les vieux qui disent ça pour pouvoir insulter leurs enfants. Ah oui, c'est pas faux. C'est ce que je fais, moi. Ouais. C'est-à-dire que si Alex Vizorek est une œuvre d'art, Bob du Club est un chef-d'œuvre en péril. On va parler de toi, tiens. Vieux mais, con. Mais je crois que les cétacés sont en voie de disparition. Hein. Ça, vieux con. Il y a une bonne ambiance ici. Oui, ça qui est chouette. C'est amical. Je crois que tu t'intéresses au corrida dans le spectacle. Tout à fait. J'estime que la tauromachie est un art aussi et que donc, voilà, il faut en parler. Bon, alors retrouvons Alex Vizorek. Ouais. En fait, j'aime tellement la corrida que je pousse mon fils à en faire. Celui dont j'étais condamné à la garde. Au début, pour l'entraîner, je lui courais derrière dans le jardin, je lui plantais les piques à brochettes dans le cou. Mais non, c'est pour rire. Oh, je suis pédophobe, mais j'ai mes limites. Non, non, pour qu'il débute tranquillement, je lui ai offert une grande boîte de cure-dents et un shit. Un teckel. Comme le petit est débutant, c'est mieux un chien bien long. Planter les clous. Bonne chance de le rater. Le chien, on l'a appelé Pavlov. Mon fils est vraiment bon à la corrida. Pas longtemps, il est revenu avec les oreilles et la queue du teckel. Pavlov a beaucoup moins de réflexes depuis. Mais on ne l'a pas jeté. On a fait de la récup. On l'a roulé devant la porte d'entrée. Les grands-mères l'ont, l'horrible boudin de porte. Le faux teckel. On a un vrai, voilà. La suite, ça sera le 5 avril à Paris au Centre Wallonie Bruxelles et le 12 avril à Strasbourg au Palais des Fêtes. Je tiens à préciser que je n'ai ni enfant ni chien, c'est important quand même. Oui. Alors que Bob du Club a un teckel. Oui. J'ai des enfants et des chiens. Et des cure-dents. Ouais. Et des cure-dents toujours. Oui, sa femme s'en plaint d'ailleurs. Des cure-dents. De ton cure-dent. De ton cure-dent, oui. Bon, eh bien, maintenant, je crois qu'il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Ah, on va reprendre des points, là. Ouais, et de reprendre des points avec l'épreuve du trivial. Ah, c'est notre truc, ça. Voilà. Donc, j'ai tiré au hasard. Oui, ça fait quelques années c'est que bon. Tu tires au hasard. Deux cartes dans la boîte du trivial de 1985. Une précision importante, car des questions peuvent dater. Oui, parce que si on te demande quelle est la de quel pays Moscou est la capitale, il faut répondre l'URSS. D'accord, voilà. D'accord. Je vais m'adapter. Une carte par équipe, 6 questions sur chaque carte. Le but du jeu étant de répondre à un maximum de questions, donc donner de bonnes réponses. Chaque question. Non, faut dire aux auditeurs. On astique les lunettes là. Voilà. On se prépare. À... Oui, oui. Bah, il astique plus que ça, tu sais, à son âge. Il faut dire aux auditeurs que cette semaine, pour la première fois, nous avons des casques pour écouter ce qui se passe. Et tes explications sont encore plus chiantes avec le casque. C'est parce que vous m'interrompez. Sinon, d'habitude, c'est très rapide. Six questions par carte. Un point par bonne réponse. Si par hasard une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer le point. Et à l'issue des deux cartes, c'est l'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de points qui marquera le point final. Et si on donne la réponse cash ? La réponse cash, ça veut dire sans se consulter, là c'est deux points de marqué. J'ai rien compris, mais je vais répondre. C'est normal. Enfin, tout ça pour arriver à un point, c'est même pas la peine de jouer. Oui, c'est... Donc, je fais toujours choisir par habitude Bob, parce que sinon, il y a des contestations à la fin de l'émission. Il dit je qu'on vous a... ferai remarquer que la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Oui. T'as pas réclamé la semaine t'as dernière. T'as pas triché, ta langue. L'absus révélateur. C'est toi qui as triché. Alors, est-ce que tu veux la carte numéro 1 ou la numéro 2? Tu t'en fous. On s'en fout. Ah ben, choisissez quand même. Non, je préfère que tu choisisses quand même. Celle-là, allez. Celle-ci. C'est parce qu'on voit les réponses là. C'est non, il est. Oh, lui, il les voit pas. Non. Ah oui, pour il a stické les lunettes. Alors, je regarde quand même s'il a bien fait. Oui, oh. Oui. Elle était pas mal, l'autre quand même. Ah, elle est bien. Ouais, c'est con quand même. Bon, alors, on va commencer par l'équipe des Flamands. Avec cette première carte, vous êtes prêts? C'est nous les Flamands? Oui. Oui, c'est nous. Ah ben, merci. C'est parti. Comment les Japonais appellent-ils leur pays? L'empire du soleil levant, non? Enfin, c'était un empire. Ouais. Ce n'est plus un empire. dit-il. Ah, à l'époque. Oui, non, mais à l'époque aussi. Oui, non, le pays du soleil levant, oui. Non. C'est pas Nippon. C'est correct. Vous allez quand même pas vous faire écraser par les Belges, vous non plus. Bah, une grosse culture en Belgique. Enfin, les Belges, il y en a 15, ça s'appelle. Si, on est les Wallons. Attention, ah, hein, oui, vous êtes les Wallons. Ah, oui. Avec quoi dormait Marilyn Monroe? Est-ce que je sais ça? C'est très connu. Avec Kennedy. Mais pas dit avec qui? Avec la queue de Kennedy. C'est pas, on peut donner un demi-point parce que c'est pas tout à fait beau. Avec les deux, c'était, bah, leur, c'était son doudou. Je sais pas. Elle avait deux doudous. Oui, Kenny Doudou, elle l'appelait. Bob et John. Je sais pas, moi, à God Michel. Non. Oh. On peut donner un autre demi-point, parce que ça devait pas être tout à fait faux non plus. Non, ce n'est pas ça. Des puces. Elle dormait avec une peluche. Nous, on sait, nous. Ah. Que c'était avec un parfum. Oui. Du Chanel numéro 5. Avec une goutte de Chanel numéro 5. Oh là là, la Bob, deux points. Mais nous, c'est un journal. Mais n'importe quoi, cette question, c'est pas avec. Tu l'as sur toi, le. Avec quoi? Mais si, avec quoi? À une journaliste qui lui demandait avec quoi dormez-vous, elle a répondu avec juste une goutte de Chanel numéro 5. Voilà. Voilà. Et quand on a posé la même question, quand on a posé la même question à Valérie Le Mercier, elle a dit avec une goutte de pipi. Quel était le nom de jeune fille de Joséphine de Beauharnais? Joséphine Becker. Joséphine de Beauharnais. Comment s'appelait-elle, Bob? Ouais, j'en sais rien. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as. C'est toi qui étais son garçon d'honneur. C'était une mulâtre. Je sais pas, elle devait avoir un nom. Oui. Oui, c'était pas facile. Non, si vous le savez pas. Non, je me souviens plus. Ouagadougou. Non. Ouagamoudou, Moudou. Non. Non. Non. Histoire de France, c'est pas pour moi ça. Non, bon, alors c'était Taché de la Pagerie. Ah, non. Ça, c'était une question à 1000 points. Alors, comment... alors que chez Bob, c'est Taché de la Literie. Merci. Comment s'appelle la suite de Pas d'orchidée pour Miss Blandiche? Oui, il y a une suite à ça? Oui, il y a une suite. On avait déjà pas lu le premier. Hein. Arrêt littérature. Hein. Je sais pas. Non, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, vous pouvez trouver. Hein. C'est... Non, tu sais ça, toi? C'est un roman noir. C'est... Je crois que c'est James Hadley Chase, non? Un truc comme ça. Non, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué l'auteur. Non, c'est... Enfin, c'est un auteur de polar comme ça des années 40. Et donc, on ne sait pas. Donc. Casablanca. La chair de l'orchidée. Ah, mais bien sûr. Ah, oh, oui, pourquoi t'as... Ah, quel... Ah, le deuxième livre. Ah, je crois que c'était un. Il y avait, oui, oui. Il y avait ça et puis il y avait un autre titre. Je crois que c'était la préfète. Quel... Quel animal? Femelle, oui. La femme de Bob. Et le seul. Ah oui, c'est pas faux parce qu'attends la fin de la question. Et le seul à être coiffé de bois. Ah oui. La seule. Oui. La chèvre. Quel animal femelle. Bah oui. Et ah, le... Oui. Le seul à être coiffé de bois. Pourquoi le? C'est un animal, on dit. Ah oui. Donc c'est pas un questionnaire parce de France. Parce que le bouc, il a aussi des cornes. Bah, la chèvre. La Bob aussi. Non, non, non. Non, non, la girafe. La girafe, elle a des cornes, oui. La femelle aussi. La girafe. Non. Oh bah si. La biche ou non, ça a des cornes, non, la biche. Non, je crois qu'une biche, non. Ça a pas de cornes. Sauf si son cerf la trompe. En fait, si, pour bien comprendre la question, oui. C'est que dans cette espèce animale, le mâle n'a pas de corne. Ah, alors mais ça, tu ne l'as pas dit. Bah, je précise parce que. Ah, non, mais oui, mais je ne l'ai pas compris. Alors, comme ça. Je vous la repose comme moi, ça. Moi, j'ai compris que le mâle a des cornes, non. Et la femelle on va aussi. Même vous donner une deuxième chance. Les deux on ont des... Non. Ah, c'est le contraire. C'est donc. Le contraire. C'est-à-dire alors, que attends. Le mâle n'en a pas, mais la femelle en a. C'est pour ça que je disais que la chèvre, c'était pas bon. D'accord. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Ouais, enfin, on n'a pas toute la soirée. Oui, on n'a pas non plus. C'est un animal connu. Des cornes, comme des cornes normales, oui, pas des antennes. Des bois, des bois. Des bois. Mmh. Mmh. Bon, donc, vous écoutez FIP, il est 15h. Ça existe ça, FIP en Belgique, non? C'est frites. Vous écoutez frites. Qui a dit ça? Tout s'appelle frites. C'est Mélo qui a dit ça, bien sûr. Bon, alors, quel est cet animal? On ne sait pas. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, pas. Alors, est-ce que vous... Non, c'est pas le zébu. On propose l'élan. C'est pas loin, c'est le caribou. Ah, bah, c'est la même chose. Ah non. Ah non. Ah, non, non, non, non. Non. C'est un élan, c'est un caribou. Non. C'est jamais non. Un non. Caribou pour les Québécois. Oui. Oui. Non, non. Je crois qu'on peut faire appel. On va vérifier sur Wikipédia. Ouais, attention là. Qui a interprété le rôle de Marcel Cerdan dans le film de Claude Lelouch, Edith et Marcel? Je sais. Tu ouais. Sais ça, toi? Non, je sais rien. Qui a interprété le rôle de Marcel Cerdan? Je sais pas, mais c'est pour Frédéric, ça c'est. Donc vous ne savez pas? Moi, je sais qu'il y aurait dû. Je vois qui c'est. Je vois l'acteur, mais je connais pas son nom. La réponse est la question, c'est qui aurait dû ou qui a joué, parce qu'on a les deux réponses. Non, c'est qui a. Je sais pas qui a. C'est Patrick Devers qui aurait dû, mais il est mort avant. Non, mais l'autre regarde, il est en train de chercher. Non, je cherche le caribou. Voleuse. C'est le fils de Marcel Cerdan. C'est le fils de Marcel Cerdan. C'est une bonne réponse. Oh là là, on a été bon. On a été bon. Alors à la fin de cette carte, cher Alexandre. Ouais, ils ont été nuls. Hein, oui, zéro bonne réponse, Bob. Ah, oui. Bravo. Bravo. Et après ça, t'accuses Maurice chaque fois. Tu dis que c'est à cause de Maurice que tu marques pas de points. Là, on sait pas. À la noix, voilà, trois bonnes réponses pour les Wallons. Donc pour l'instant, c'est eux qui mènent. Bravo. Donc la deuxième carte, votre carte. Là, on va faire un carton là. Oui. Donc la deuxième carte, votre carte, va arriver dans quelques instants. Ah. C'est juste après la pause. Mais quel suspense. Alors, tu nous disais, t'as regardé pour le caribou alors. Alors, on joue après, donc. Le... Hein. C'est le Rennes, de non, l'autre c'est côté. C'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Rennes ou Quimper, ça dépend. Hein, bon, voilà. On revient juste après la pause. Oui. Avec Alex Vizorek. Mais il est là. Il va rester. Retour d'On va se marrer avec Alex Vizorek. Ouais. Est-ce que tu fais des dates un peu en province ou même en Belgique? Ouais, j'ai joué à Bruxelles, à Lille et puis je vais aller en Suisse, je vais aller à Strasbourg. Donc voilà, on se balade un petit peu, mais kingsofcomedy.be, là, vous avez toutes les infos et vous savez où je passe. Voilà, parce qu'on remarque quand même que nos amis belges envahissent notre antenne. Mais on va bientôt... Deux Belges en 15 jours. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est ce que je dis dans le spectacle, on va bientôt vous annexer. Mais vous vous rendez bien compte. C'est clair, oui, c'est ça. Ah. C'est... Bon, alors on va voir en attendant si vous nous annexez pour la deuxième carte du trivial. Puisque maintenant c'est votre carte que j'ai en main. Enfin, donc c'est toujours le même principe, bien sûr. Vous répondez aux questions et Bob ne sait pas. Et voici votre carte. Quelle rivière coule entre Minneapolis et Saint-Paul ? Aucune idée. C'est aux États-Unis donc. Oui. Il y a des chances. Mmh. Je sais pas, genre un Mississippi, un ouais, truc Mississippi, comme ça. Ouais, Missouri, puis Mississippi, c'est au sud plutôt. Ouais. Minneapolis, c'est en haut. Hein. Ouais. Moi, ouais. Entre Minneapolis et Saint-Paul, donc c'est. Missouri, on dit. Missouri. Le Missouri. Oh. Non. Ah. Le Colorado. Ah. C'était le Mississippi. Oh merde. Ah, je crois que nous avons Fantomas sur le plateau. Quel était le premier film parlant avec une bande son? Le titre du premier film. Chanteur de jazz avec Al Johnson. C'est correct. Deux points. Hein. On est bon. Ah oui, deux points parce que vous n'êtes pas consulté, c'est vrai. Quel homme d'État africain? Ils se sont consultés. Frédéric a fait oui de la tête. Non. J'avais commencé à donner la réponse. Il a donné la réponse, j'ai laissé répondre. Oui, mais tu as acquiescé. J'ai dit correct. Excusez-nous d'être cultivés, oui, ça arrive. Ah, oui, ça va. Oh oui, alors évidemment. Ça va, le Belge. Quel homme d'État africain s'est donné le titre de conquérant de l'Empire britannique? Amin Dada. Ouais. Sans vous consulter? Ali Amin Dada. C'est correct. Idi Amin Dada. Idi. Très beau film avec Forest Whitaker, le dernier roi d'Écosse. Ah bah oui, c'est tout vrai. Tout à fait. Qui a peint l'Olympia? C'est un tableau, hein, pas l'Olympia de Marcel Gomez, peintre en bâtiment. je connais très bien. C'est un tableau. Ah, si, c'est un des deux. C'est Manet ou Monet. Mahonet. Manet. Oui, c'est correct. Oh, bravo. Oui. Il est bien le Belge. Ah, bah, oui. Sans concertation, parce qu'il ne savait pas. Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Non, ce n'est pas un poulet dans un village. Pourtant, Frédéric, on a envie que ça soit un poulet. J'ai envie de répondre Dominique Strauss-Kahn. Bah oui, c'est l'année du lapin. Non, j'ai pas dit celui qui tirait le plus rapide. Ah, bah, quel animal terrestre le plus rapide? Ouais, c'est le guépard, mais... Ouais, c'est le guépard. Elle est plus rapide que ça. Le guépard? Ouais. Allez. C'est correct. Ah. Oui. Et enfin, quelle première ont réussi Jacques Balma et le docteur Paccard en 1786? En combien? 1786. La première fois que Jacques Balma et le docteur Paccard... Ils ont fait quelque chose ensemble. Oui. Traversé en ballon, un truc comme ça. C'était pas une greffe d'anus. On est en sport. Hein, ça paraît, c'est sport et loisir. Non, c'est sport et loisir. Ah, bah loisir. Oui. Ah, le loisir. Le loisir, ce serait dans le marais seulement. Et alors là, aucune. Ouais, ou c'est peut-être monter l'Everest ou le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Pas mal le Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc. Ouais. Allez, on dit l'ascension du Mont Blanc. Eh bien, c'est correct. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bravo! Bravo! Bravo! Oh non. Regardez les deux dégoûtés en face là. Alors je vais donc faire les Toto. Ah oui, fais donc les Toto. Donc l'équipe des Flamands, zéro bonne réponse. Donc, ça c'est drôle. C'est la curée. Zéro point. Et donc l'équipe des Wallons, 10 points. On a trouvé toute la carte. Donc c'est même parce que vous avez trouvé aussi des réponses sur la carte précédente. On a trouvé toute la nôtre. Ah, donc voilà, votre point pour l'épreuve. On n'a pas trouvé le Mississippi. Ah oui, on a raté le Mississippi, c'est vrai. Ah oui, ah, ça, ah, dis donc, c'est grave. Le point est parce qu'on aurait pu tout marquer. Ouais. Ouais, bah oui, oui. Eh bien, on vous applaudit. Et finalement, on n'a pas tout marqué. C'est pas grâce à toi. Allez, on vous applaudit. Je pense qu'il est temps de dégainer une nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, GG. Pourquoi les girls mouillent et les... Pourquoi les girls mouillent? Ah bon. C'est on dirait votre ami qui raconte. Oui, mais c'est la place de, c'est la place de Maurice. C'est la place de Maurice. C'est pour ça que... Pourquoi vous les girls pas... mouillent, non? Parce que les boys band. Je peux vous lancer un défi de la faire raconter à Maurice la semaine Oui. Ah oui, une bonne idée. J'ai failli le faire à la Maurice. Elle est, je crois qu'elle était pour, Maurice d'ailleurs, celle-là. Hein. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe-tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Les mariages. Non, le mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Hein? Palais, cocotier, chameau, soudain, tout disparaît, il ne reste plus que le chameau. Oui. Ah oui. Bravo. Un ours. Ah, c'est, j'aime bien les histoires avec des animaux, moi. Oui. Un ours demande à un lapin s'il veut faire l'amour avec lui. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. Le lendemain, le même ours demande à un écureuil s'il veut faire l'amour avec lui. Ah oh ben oui, mais je veux bien, mais oh, par contre, je te trouve trop poilu. Oh, l'ours regarde et dit, oh mince, le lapin. Oh. Oh. Ça se passe dans un bar. Il y en a un qui dit deux poivreaux qui sont là, un peu comme en face. Dis-moi, GG, c'est quoi un éthylomètre? Ah bah un éthylomètre, Alors c'est un truc, c'est un espèce de sac dans lequel tu souffles et qui te dit si t'es bourré ou pas. Il y a Bob qui répond « Oh bah merde, ça fait 20 ans que je suis marié avec. Donc » on est... Ouais, pardon. On est dans une galère à l'époque de Jules César et Jules César descend et dit à tous ses rameurs, il dit « Les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Il dit la bonne, c'est que demain, c'est congé pour tout le monde. Là, ouais, c'est la folie. Et il y en a un qui dit, bah, et la mauvaise. Et la mauvaise, c'est que aujourd'hui, je fais du ski nautique. Alors, il n'est pas là ce soir, mais il est là quand même, grâce à nos archives. Une petite blague de Maurice. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai retrouvé ma blague. Donc une auditrice. Non, c'est un auditeur de oui. Serge de Dourdan. Ah, très belle ville. Ouais. Pourquoi les souris green? Non. Gris. Nini. Oh putain, mais lis ce qui est marqué, bon sang. C'est pas possible d'être bête à ce point-là. Les bêtes à manger du foin, c'est pas possible. Il y a plus de foin. Il va nous mettre sur la paille. Moi, je pense qu'il fait exprès. Parce non, c'est pas possible. Alors, on en a parlé. C'est un gâchis pour la science, parce que quand même, il devrait être dans un laboratoire. Le remarque, c'est il est bien préparé, il est déjà dans le formol. Bon, alors, vas-y, fais là. Alors, tu l'as refait, celle-là. Pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, pas font ni-ni. Lis ce qui est marqué, bordel de merde. C'est pas possible. Oh non, mais c'est pas possible. Les souris ne font pas ni-ni. Les souris font ni-ni. Mais tu sais pas lire, bon sang de bois. C'est marqué. Pourquoi les souris ni-ni? Ni-ni-ni. Non mais couche, connasse. Rassurez-moi. Rassurez-moi, les micros sont pas branchés. Non. Là, en ce moment, on est en pause. On répète. On est en pause, là, oui. Alors, Maurice, pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, elles font pas, elles font rien. Pourquoi les souris ni-ni? Excusez-moi, mais elle est où? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Non, il y a marqué « Pourquoi les souris ni-ni ?» Pourquoi les souris ni-ni-ni? Non. Parce que les rats... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais appelez Hortefeux, faites quelque chose. Mais les souris ni-ni-ni. Non, mais je te jure. Et ta sœur, ni-ni-ni, ta sœur. Et maintenant, on écoute Maurice. Ah, alors Maurice, la blague. Ah si, bah, ah, Maurice, si. La blague de Serge. Allez. La blague de Serge. La blague de Serge. La blague de Serge. Pourquoi les souris ni-ni-ni? Moi, je me casse. Hein. Moi, je me casse. Quand vous voulez, je me casse, je vais rayonner chez moi. Non, mais moi, je me casse. Oui. Mais non. Il est marqué trois fois, là-dedans. Oui. Non. Tu sors pas d'ici tant que tu l'as pas. Pourquoi les souris ni-ni? Ah, oui. Voilà. Là, ça voilà. Pas, hein. Allez. Attends, il y a la réponse, maintenant. Parce que les rats font... Mais non. Ah non. Il n'y a pas marqué fond. Parce que les rats... Gna gna. Bon, alors pourquoi les souris gni-gni? Parce que les rats gna gna. Bravo, Maurice. Ce qui est bien... On m'entend? Non, on m'entend pas. Oui, ce qui est bien avec le rire de Philippe et le rire de Bob, c'est qu'on se croirait le premier mercredi du mois à 12h. Pourquoi? La sonnerie des pompiers, vous savez. Bon, allez, juste après la pause, un nouvel extrait du spectacle d'Alex Vise. attention. Maurice. Juste après la pause, un nouvel extrait du spectacle d'Alex Vizorek. Ouais, restez avec nous. Se marrer avec Alex Vizorek. Ouais. Mais est-ce que moi il y a une question que je me pose quand même, c'est que bon ben bah, nous tu on est la poser, alors. Bien sûr, on est très conscient. T'es pas obligé de répondre. On est très conscient que les Belges ont un accent assez prononcé. Non, les Bruxellois. Oui. Parce que pas les autres. Quels autres? Vous rigolez ou quoi? les autres leur parlent pas. Oui. Non mais je parle des autres Belges. Mais est-ce que pour vous qui est-ce que nous Français on a un accent? Ben je sais pas, vous trouvez que j'en ai un? Oui. Ok. Oui, j'ai très léger. Non parce que moi au début quand je suis arrivé à Paris, il devait être plus prononcé et ce qui m'a fait travailler l'accent, c'est qu'on me disait toujours: est-ce que tu n'es pas québécois? Ah. Et si tu veux, la lead de la francophonie, c'est quand même les Québécois. Et donc, c'est la honte de se faire passer pour un Québécois. Donc, j'ai vraiment bossé le truc. Et maintenant, j'essaye de... Quitte à passer pour un Suisse à la limite. Oui. Mais un Québécois, non, c'est loin. C'est... Ils sont partis il y a longtemps, quand même, de France. Mais il paraît que, c'est un Québécois qui m'a dit ça, que quand on essaye quand un Français essaye d'imiter l'accent québécois, ça vire à l'accent belge, en fait, très vite. Ah. Enfin, l'accent bruxellois. C'est-à-dire que je crois que quand vous ne savez pas, vous, Français, quel est l'accent, typiquement, vous dites, bah, c'est que ça doit être québécois. et en gros, on se retrouve tous au Québec, sans avoir rien demandé, d'ailleurs. Mais alors, le spectacle, c'est toi qui l'as écrit? Oui, mais pas au Québec du tout, d'ailleurs. En fait, j'imagine en Belgique. Oui, exactement, et en partie en à Paris. Islande. Mais alors, est-ce que l'humour belge est le même que l'humour français? Est-ce que les blagues belges Bah, disons qu'il est un peu plus drôle. Voilà. Oui. Voilà. Bon, bah, on s'en va maintenant. Voilà, ouais. Si vous voulez, il est un peu plus affiné, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que parfois à Paris, tout ne passe pas. Et quand ça passe pas, c'est que c'est trop fin, voilà, à mon avis. Eh bah, c'était. On va se marrer. Non, non, mais il a raison. C'est ce que disait la jeune fille l'autre jour qui venait aussi de ou de Suisse ou de. Elle venait de Suisse, Christelle Meyer. Eh oui. Ouais. Non, l'humour est le même. Alors, je change 2-3 références parce que parfois en Belgique, ils aiment bien quand on fait des références à leurs politiciens. Idem en France. Et si je vous parle des politiciens belges, vous risquez fort. Ouais, voilà. Si on connaît le roi, mais c'est tout. Oui, il n'est pas un vrai politicien. Mais... Voilà. Non, par contre, nous, c'est vrai que Frédéric, pendant des années, a fait un triomphe en radio avec un seul accent belge. Celui de Monsieur Van de Put. Monsieur Van de Put, voilà, qui venait régulièrement, notamment qui aime beaucoup l'art. Bonjour Monsieur Van de Put. Bienvenue au musée d'Orsay pour cette visite. Oui, bonjour. Alors, je connais tous les peintres. Ah bon? Ah, bah alors, dites-moi un peu. Bah, regardez, ça, c'est un Manet. Ah oui, c'est vrai. Ah, très bien, oui. Et celui-là? Bon, ça, c'est un Van Gogh. Ben, c'est vrai, quand même. Vous êtes quand même cultivé en Belgique, hein. Bah, tiens, on se tient au courant. Ben, tiens, regarde celui-là, je le connais. Ah, c'est Picasso, c'est Guernica. Ah, non, excusez-moi, vous êtes devant un miroir, monsieur. Ah, pardon. On sent que c'est travaillé, quoi. Il y a un truc. 40 ans de complicité. Nous, ça nous fait plus rire. Hein. D'accord. Ça fait quand même 30 ans qu'il a foncé. Mais à l'époque, il y a 30 ans, ça vous. Attends, là, ils vont bientôt te faire. Il y a un pendu dans ma chambre! Un pendu dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pendu dans ma chambre. Il y a un pendu dans ma chambre. Non, dans la mienne. Oh, dans la mienne? Quel heureux! Pauvre Bob. Donc, je pense que nos auditeurs préfèrent. Tu redis encore une fois les filles, je te casse la gueule. Excuse-moi. Non, on peut te faire TF1 publicité belge. Oh, ça suffit. On te fait tout à l'heure. Je pense que nos auditeurs aimeraient quand même rire avec un vrai humoriste. Il n'y a pas que les auditeurs, nous aussi. Allons-y. Oui, avec un extrait du spectacle d'Alex Vizorek. Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé. Clang ! On comprend tout. On comprend toute l'émotion. On comprend pourquoi un homme décide de devenir joueur de cymbales. On comprend. On... Ça, on ne comprend pas. Hein. Pourquoi un homme normal, équilibré, décide de devenir cymbaliste ou cymbalier ? On peut dire les deux, j'ai fait des recherches. Personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient 3 fois sur 3h58 de symphonie. Formation ou cymbale, vous avez de la chance. Hein. Alors oui, c'est pas pratique pour tout. Tant que j'y suis, petit conseil pour les jeunes, les adolescents qui souhaiteraient commencer une carrière musicale, pas de masturbation au cymbale. Extrêmement douloureux. Lançons-nous. Première question, où est le Do ? C'est un fa dièse. Je déconne, hein, j'en sais rien. Clairement, il n'y a qu'une note, le cling. Et sa variation frottée, le ch. Mélodieux, hein. Alex, qui, je vous le rappelle, sera le 5 avril prochain à Paris au Centre Wallonie-Bruxelles et le 12 avril au Palais des Fêtes de Strasbourg. Je vous propose maintenant. Ah non. Oh non. Un jeu supplémentaire. Ah, où on en est dans les scores? Parce que moi, pour l'instant, un partout. Ouf. Ouais, tout ça pour ça. Eh oui. Un partout. Alors qu'on a bien bossé. Eh oui, bah oui, mais c'est toujours injuste. Alors maintenant, je vais vous proposer la main passe. Ah. La main passe, je vous donne des informations pour trouver un personnage, un lieu, etc. Je vais vous dire quoi. Je donne 10 secondes d'informations à une équipe. Si elle trouve, tant mieux. Si elle trouve pas, tant pis. C'est comme question pour un champion, mais le dernier jeu. Exactement. C'est pareil. On y va. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Demandais où tu l'avais trouvé, celui-là. Est-ce que tu donnes un indice pour les... Cet indice, chez vous. Exactement. Exactement. Je vais commencer par l'équipe des Flamands. Ah, c'est gentil. GG et Bob. C'est les Flamands roses. Hein. Et vous allez devoir trouver un monument. Un monument. Donc là, c'est important. Un monument. Maurice, très connu. Allez. Est-ce que Bob, tu es prêt pour ces 10 premières secondes? Bon, oui. Allons-y. Top. J'ai été bâti entre 1969 et 1972 et inauguré en 73. Mon chantier a nécessité le déblaiement de 420 000 mètres cubes de gravats. Le centre Pompidou. Non. La main passe. Top. Mes fondations sont constituées de 56 piliers en béton armé s'enfonçant à 70 mètres sous terre. Je compte 7200 fenêtres pour 40 000 mètres carrés de façade. Ouais, on a une idée. On dit ça ? Ouais. La tour Montparnasse. Ouais. Oui, ben c'est correct. Bob, je sais pas ce que t'as ce soir, hein. C'est incroyable. Ben, justement, je l'ai pas. Donc une deuxième partie pour essayer de enfin, rattraper. La tour Montparnasse, t'appelles ça un monument, moi j'appelle ça un immeuble. Ah ben c'est un monument. Hein. Les gens la visitent. Écoute, alors si je cherche, bon, enfin c'est pas. Alors cette fois-ci, je vais commencer par l'équipe des Wallons. Mmh. Alors c'est nous pour trouver un personnage. Mmh. Attention, top. Je suis né le 24 juillet 1949 à Neuilly-sur-Seine. Je suis le petit neveu du capitaine Dreyfus. En 19. Ah, je le sais, ça. Donne-moi un indice. Ah, ben, fallait regarder ton transistor. Faut que je retrouve le nom. Ah, je sais qui c'est. Et c'est quoi, ça. C'est un politique? Oh là là là là là là. Bon, bah. Non. Ah, ça m'en revient pas. Non, moi, en plus, j'ai pas. Alors, la main passe. Ça m'en pas du capitaine Dreyfus. Du capitaine Dreyfus. Attention, Bob, c'est parti. En 1981, je crée une édition devenant ainsi mon propre producteur de disques. En 1986, je reçois l'Oscar de la meilleure chanson française et la médaille d'argent de l'Académie française pour ma chanson... Eh oh, oui. Moi, je crois que c'est un acteur, mais non, c'est pas lui. Ah, on sent que c'est un chanteur, là. Alors, ça me revient pas. L'Oscar de la de meilleure chanson. En 90. En 86. 6. Dassin. Oh non, Dassin. Non, Dassin. Quelqu'un non. qui a 60 ans. Non, Dassin, 82, il était déjà mort. Je ne sais pas comment il s'appelle, là, celui qui chantait les bambous, machin. Là, tu sais, Il tape Carlos. Sur des bambous. Ah, et il aurait eu l'Oscar de la meilleure chanson. Ah, c'est pas possible. J'en sais rien, l'Oscar à n'importe qui. Déjà, moi, je savais pas qu'il y avait des Oscars de la chanson. Mais t'as l'Oscar de la meilleure pouf aussi. Alors, n'importe qui c'est là? Parce que là, il faut qu'on. Carlos, ça te plaît? Non, pas Carlos. Bon, bah alors non, alors pas Carlos. Au hasard, GG. Mais je me rappelle pas de son nom, je pense. Philippe Laville, non? Philippe Laville. Non. La main passe. La main repasse. Top. Alors on perd 10 secondes là. Une de mes chansons a été citée comme meilleure chanson française du 20e siècle selon le mensuel Notre Temps en 1987 et arrivée en 88 en tête d'un sondage organisé par la SACEM. Oui, ça y est, ça me revient. Ah bah c'est à nous de répondre. Ah, oui, c'est Yves Duteil. Oui, c'est Yves Duteil. Oui. Alors la fameuse chanson, bah, la chanson qui a gagné l'Oscar, c'est la langue de chez nous. Et la chanson, la meilleure chanson française du siècle, c'est Prendre un enfant par la main. Est-ce que je peux dire quelque chose, moi, ici meilleure chanson française et Jacques Brel, alors? Mais il est pas français. Mais il est pas français, c'est un belge. C'est un belge, c'est comme la Annie Corley. On pourrait concourir, quand même. Oui. Bah, c'est vrai que vous nous en envoyez des biens en Belgique. Ah, oui, attends. Alex Vizorek, Jacques Brel. Lara Fabian. Ah, Lara Fabian, elle est belge aussi. Elle est belge, Lara On essaye d'oublier. Ah, oui. Alors, juste après la pause, ça sera une nouvelle tournée de blagues qui se prépare. Magnifique. Donc, vous restez avec nous. On revient avec Alex Vizorek. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Alex Vizorek. Hey. Mais on va vous envoyer des humoristes à nous en Belgique aussi. Mais envoyez-les. Ouais, on en a quelques-uns. Et puis il y en a quelques-uns d'ailleurs, s'ils pouvaient les garder, ça m'arrangerait. Voici la tournée de blagues. Il a du mal à partir. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. la tournée de blagues. Les quatre animaux préférés non, de la... Non, non, non, fais pas ton Maurice. Les quatre animaux, non. C'est vrai que la liaison est sarcastique. Les quatre animaux préférés de la femme oh, il est vexé. Sont... Oh, il est vexé, il est vexé. Tu sais pas. Non. Le crocodile pour le cuir. L'ours pour la fourrure. L'huître pour les perles. Et le pigeon pour payer tout ça. C'est quatre Belges. Qui vont virer à Paris. Alors, ils vont dans le bois de Boulogne et s'arrêtent devant une pute. Ah. C'est combien, demande le conducteur? 50 euros devant, 70 derrière, répond la fille. Alors, on entend deux voix derrière qui font « Et pourquoi c'est plus cher pour nous ?» Alors... C'est monsieur vendre des putes. Ah, bah tiens, bonsoir. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Chercher une pute. Alors il arrive et dans, il arrive et il y a encore des bordels. Et ah, bonjour madame, voilà, je voudrais me taper une pute. Bah oui, vous êtes au bon endroit, monsieur. Oui, voilà. Par contre, j'ai un budget restreint. Ah, oui, je n'ai que 15 francs belges. Ah, je sais pas si ça existe toujours les francs belges ou pas. Tu rigoles. Oh, oui, tu es au courant de l'actualité, ah, ça la fait peur. 15 francs belges, c'est pas de l'argent. Hein. Mais on a des euros. Hein. Oui, bah, ah. Oui. Tu sais, la pire question qu'un jour un Français m'a posée, il m'a dit, mais en Belgique, vous avez de l'astrologie? Alors j'ai dit, non, moi comme signe, je suis moule. C'est hallucinant. Donc, exactement. Eh oui. Bon, mais est-ce que le 14 juillet existe en oui, mais on l'a appelé le 21 juillet pour s'amuser. Alors donc je n'ai que 15 euros alors parce que je viens d'avoir réclamation. Il paraît que n'a plus de francs belges en Belgique. C'est la crise, vous savez, chez nous par ici. Bon, à Brège. Bon, alors 15 francs, 15 euros. 15 euros, 15 euros, qu'est-ce que je vais pouvoir lui refourguer à 15 euros? Bah, attends, j'ai plus une seule fille qui prend 15 euros. Attends, tu rigoles ou quoi? Bah, attends, si. T'as qu'à monter au dernier étage, là. Il y a la Lulu, tu sais, la grosse que Stab Bob, là, oui. Allez, bah, tiens, elle te fera un truc pour 15 euros. Ah bon, bon, alors, il rouvre la porte. Mais c'est vraiment à le dernier étage, hein, c'est. Comme ici, d'ailleurs. Voilà. Bonjour mademoiselle, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Bonjour mademoiselle, on peut pas avoir un peu de lumière s'il vous plaît? Alors elle allume une lampe torche, il voit. Oh là là, il voit ça. Une horreur. Oh. Le portrait de la femme de Bob. Qu'est-ce que je peux avoir pour 15 euros? Bon, ben rentre coucou, ça va faire des courants d'air, je vais attraper le froid à la moule, là, rentre. Oh. On se distinguer. Alors, pour 15 euros, eh ben, écoute, tu peux, 15 euros, tu peux me brouter Minou. Oh, bah oui, bah, oh, bah écoute, hein, j'ai monté les 15 étages du bordel, voilà les 15 euros. Bon, bah d'accord. Alors, elle lève la jupe. Et puis, alors, il commence à se pencher, et bien sûr, il y a une espèce d'odeur nauséabonde, telle sur le port de Dunkerque. Sur le port de Dunkerque. C'est à quelle heure l'émission? Bon appétit. Ça sent l'oignon, comme tout le monde. Il commence à se mettre au machin, et puis, d'un seul coup, il voit des trucs qui bougent. Des sortes de Pac-Man, c'est il dit, oh, bordel! Oh, c'est pas possible! Mais c'est des morpions! Bah, quoi? Pour 15 euros, tu veux pas les gambas non plus? J'ai entendu qu'il y avait des blagues belges dans cette tournée, alors venez vous en faire une. Vous savez pourquoi, chez nous en Belgique, sur la table de nuit, on a un verre d'eau rempli et un verre d'eau vide? Non. Parce que quand on se réveille la nuit, parfois on a soif, oui. Mais parfois on n'a pas soif. Ça c'est bien, voilà. C'est poétique. Voilà, hein, il y a un petit côté surréaliste. Voilà, non, c'est bien. Bon, il nous manque juste une petite blague de Maurice et comme on était branché sex shop, je pense qu'on peut lui demander sa blague du sex shop. Ah, oui, ah, oui. Alors, une jeune femme rentre dans son sex shop. Dans son. Ça commence dans bien. Elle a le sien perso alors. Dans un sex shop. Dans un. Ça commence bien. Oh là là. Bah, des robes qui redonnent la coupe. Allez. Une jeune femme rentre dans un sex shop. Oh, non. Un sex shop. Pourtant, tu les as pas. Sépare-le. Parce que comme ça, si tu sépares les mots, shop. Voilà. Une jeune femme rentre toujours dans une boutique de sexe. Un sex shop. Et demande au vendeur. Il n'y a pas de lubrifiant alors, c'est un sex shop. Voilà. Et demande au vendeur. SVP monsieur, je cherche un god, pourriez-vous me renseigner? Le vendeur lui répond. Voilà, vous avez ici tous les modèles. Des gros, des petits, des longs, des vibrants. La jeune femme est hésitante. Lui répond, bon, donnez-moi ce modèle le plus gros rouge. Oh là, ça va pas. Bon, ah, nous, ça bah va elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, donnez-moi ce modèle le plus gros rouge. Là, le vendeur choqué lui répond, mais madame, je ne peux pas, c'est l'extincteur. Alors, justement, comme on en parlait tout à l'heure, un petit mot de Claude Lelouch. Tout ça pour ça. C'est vrai que dès qu'il y a un truc un peu compliqué à prononcer, on sait que ça ne passera pas. J'ai l'impression qu'il a des soucis avec la ponctuation. C'est tout d'un coup. C'est-à-dire que. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ce qui est très drôle, c'est jamais revenu. Quand il y a deux personnages qui parlent, eh bien, ça se suit. Donc, on a l'impression que c'est le même qui. Oui, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus du tout. Lui non plus. Alors, juste après la pause, on va se retrouver encore une fois. Et cette fois-ci, on réécoutera un extrait du spectacle, puisqu'il nous en reste. Tu nous en as amené plein, c'est bien. Mais moi, j'étais content de venir, j'en ai plein d'extraits. Bon, bah, c'est super. Donc, juste après la pause, donc, on revient avec un petit jeu et puis un extrait du spectacle de Alex Vizorek. Retour d'On va se marrer avec Alex Vizorek. Ouais. Alors, t'as pas répondu à ma question. Ce qui est dommage, c'est que Maurice ne soit pas là parce que je pense qu'il aurait eu du mal à donner le nom en fin d'émission. Est-ce que Maurice, on peut le naturaliser belge éventuellement? Mais c'est possible. Écoute, je pense qu'avant la fin de l'émission, on essaiera quand même de l'appeler pour que tu l'aies au moins une fois au téléphone en ligne. On peut essayer. Hein, À défaut de le naturaliser, on va l'empailler. Oui, mais alors c'est toi qui le mets dans ton salon. Hein. Ah oui. On va le faire visiter toute l'Europe. Hein. Oui. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les expositions d'Égypte, un truc de tout en camon et tout ça, on le colle là-dedans. On le met avec. Allez, dans un avion avec Mam et ça roule. Ah bah il va casser la baraque. Oh. Est-ce que dans le spectacle, il y a un moment sérieux? Mais il n'y a que des moments sérieux. Je veux dire, si parfois les gens rient, je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, moi, je suis là pour expliquer des choses passionnantes et puis. Et les gens rigolent. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils se moquent parfois. Voilà. Ça me surprend. Oui, parce que j'ai l'impression que tu es très scientifique en fait, parce que tu parles même du cerveau, je crois, dans le spectacle. Oui, c'est-à-dire que comme je considère que si les gens viennent au spectacle, bah ils estiment que c'est un spectacle comique, ils ont donc laissé leur cerveau à la maison. Oui. Et donc j'apporte un cerveau de secours. Ah. Au cas où, voilà. En scène par Anne Romanoff, pourtant. Et je ne dirais pas de mal d'Anne Romanoff. Mais donc j'amène un cerveau de secours, et là je m'inquiète de savoir s'il y a des lecteurs de Marc Lévy dans la salle. Parce que, avec un cerveau de secours, normalement les lecteurs de Marc Lévy découvrent des mots. Tu sais que c'est mon oncle. Mais c'est pas le même. C'est Marc Lévy qui a la solderie sur le boulevard Sébastopol. C'est pas faux. Les prisons. On fait tous les accents. Tous les accents, on les fait. Eh, si on peut peut-être écouter l'extrait du spectacle. Philippe, oui. T'as de l'argent? Où ça? Où ça? Où ça? Bon alors, tu balances un extrait, oui ou non? Ben ça va, ça vient, l'extrait du spectacle, on y va. C'est un cerveau de secours, tout ce qu'il y a de plus normal. Personne ne devrait faire de rejet. Hein. Très beau lobe frontal, hypothalamus renforcé. Alors j'ai fait le plein. 22 milliards de neurones. Il y en a qui vont être surpris. Est-ce qu'il y a des policiers dans la salle? Des professeurs de gymnastique? Des membres de la famille royale? C'est pas pour me moquer, mais quand tu tournes à 12-15 neurones de moyenne, passer à 22 milliards, ça pique aux yeux! La suite, ça sera le 5 avril à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, et le 12 avril à Strasbourg, au Palais des Fêtes. Alors j'ai un petit jeu à vous proposer pour encore quelques points et nos auditeurs jouent aussi avec où nous. Où on en est là? Là c'est 3 à 1. Oh là là là. Là ça va être compliqué, attention. Mais 3 à 1. Donc c'est les trésors de la télé. Nous sommes allés piocher dans les trésors de la télévision des extraits de d'émissions, de génériques. Il y en a qui soufflent déjà. Voilà. Non, mais c'est généralement des choses très très très connues, hein, Bob. Ah, oui, très très connues. D'ailleurs, je me demande si tu n'avais pas gagné la semaine dernière. Ah bon? Oui, il me semble. Oui, il avait gagné ce jeu-là la semaine dernière parce qu'on n'y a pas joué. Donc. Voilà. Donc le but du jeu étant bien sûr de retrouver le titre de l'émission. Donc moi je propose maintenant à Bob et puisque c'est vous qui êtes mené, hein, oui. Je vous propose d'avoir le premier extrait. Mino, Maurice Latino, Guy Battarel, Antoine Lacerenza, Frédéric qui parle. Écoute bien. Après. Il faut trouver quoi? Écoutez bien. Là, c'est pas facile à trouver avec les applaudissements. Mais t'as parlé quand il y a eu le principal, Bob. Voilà les morales qui étaient là. Vous pouvez les applaudir. Michel et le petit bazar. Alors. Il faut trouver le titre de l'émission. Le titre de l'émission, qui est une émission des années 90. Ouais, le Big Bazar, c'est pas jeune, hein. Ouais, ouais. Eh ben moi, dans les années 90, je sortais toutes les nuits, donc je regardais pas la télévision. Oh là là là là là là là là. Et t'avais pas un magnétoscope? Moi, je travaillais, donc je regardais pas la télévision. Oh là là là. Puis à l'époque, ouais. J'avais que la 5. Ouais. Ça passait sur la 5? Non. Ah ouais, alors donc, je sais pas. Quoique lui, il est passé un moment sur la 5. Oui. T'étais avec Foucault? Non. Bah, non, t'as pas reconnu la voix? Patrick Sabatier. Oui. Ah, c'était Sabatier. Oui. C'était à Vie de Recherche. Oui, bonne réponse de Frédéric. Mais comment t'as reconnu, toi? Oh bah avec des gens qui reviennent où il énonce les noms. Des noms inconnus. Voilà, ouais. Bravo à Frédéric Koster, une fois de plus. Alors, dis donc, applaudis, toi. Le deuxième extrait, cette fois-ci, ça se dirige à l'équipe des Wallons. Non, tu devrais le dire à nous, puisqu'on trouve pas. Oui. Donc le deuxième extrait, écoutez bien cet extrait, puisque c'est maintenant pour vous. C'est une série ou une émission? Regarde-moi cette figure de couscous. Ouais, ça me dit quelque chose en plus. Ça doit être une émission belge. Non. Je vous écoute. Est-ce que c'est pas les trucs avec Laurent Cabrol la marche des héros ou je sais pas quoi. Ouais, ce genre-là. Comment tu veux ça? La nuit des héros, ça pourrait être ça, hein. Alors, j'en sais rien du tout. Non, mais on va tenter la nuit des héros. Oui. Non. C'est un jeu? Non. Interstellaire Galactica? Non. Non, j'ai voulu faire un petit hommage à notre invité. Donc... Ah, c'est le JT belge? Oui. Ah, ça fait plaisir. Je disais bien que j'avais reconnu, mais pas moyen d'accord. De remettre. Oh, bah nous, si tu nous mets le générique du JT, on le reconnaît. Ah, c'est de la CGT. Je crois que c'est la RTBF. Ouais. C'est la RT? Ouais. Alors tu te rends compte, on trouve pas déjà les trucs français. Des fois on le voit sur TV5 Monde, des fois. Ah, ouais, bien sûr. Et dans les zappings. dans les bêtisiers. Dans quelques instants, Frédéric va nous le sortir. Ah oui, je le sors une fois par semaine. Une fois par semaine, et c'est dans cette émission. C'est son petit quiz. Ah oui. Oui. Il a un petit quiz. Oui. Donc vous restez avec nous, on revient avec Alex Vizorek juste après la pause. Retour d'On va se marrer avec Alex Vizorek. Ouais, oui, oui, oui. Quel talent. Alors, Alex, on t'a prévenu, Frédéric le sort chaque semaine en fin d'émission, l'invité ne peut pas fuir, hein Frédéric? C'est le petit quiz. Ah oui, son petit quiz. Petit bon, quiz. Alors, il n'y a pas de points à gagner. Ah. Hein, c'est juste pour le fun. C'est un quiz historique cette semaine. Il y a 8 chanteurs à trouver dans des extraits de chansons qui parlent de personnages de l'histoire. Voilà. Ah, d'accord. C'est, ouais. le thème de cette semaine. Il y en a un, il n'y a que Bob qui pourra le trouver. Ah. Et il y en a un autre. Ça va être Glenn Miller. Et il y en a un autre, il n'y a que Philippe qui pourrait éventuellement le trouver s'il si est assez perspicace. Ah, c'est Jason Donovan alors. Non, ce serait trop facile ça. Kylie Minogue. Non plus, ce serait trop facile. Philippe nous a passé du Kylie Minogue pendant des années. Et le premier extrait, le premier truc qu'on entend, Bob? Je sais pas. Mais c'est le premier extrait. Mais non, c'est le bazar pour lancer l'émission. Ah, ça. Le Gwingle. Le jingle. Voilà. Allez, c'est parti. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Fringuée dans ma peau pavien, j'étais bande à part et boudeur, je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. La guerre étant finie. Oh Mandela, the thought that you made is a vision of the prayer you must have been praying every day. Sweet Azaleos, never be called on every kind. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Et tonton râle, tonton est colère, tout va de travers, histoire la gloire. Parce que ce soir. Maintenant j'ai 1007 en 8 alors. J'en ai loupé un. Ah, ouais, ah il est dedans. Il y en avait que 7. Non, il y en avait 8. Non, il y en a 8. Hein. Alors, Alex, t'en as trouvé combien? 1, 2, 3. 4, je le sens. Et alors j'ai deux tentatives. Et alors il y en a une qui ça m'énerve parce que cette espèce de voix rocailleuse féminine, je vais la connaître. Oui, elle tourne en Belgique aussi. Ouais, mais je ne sais pas qui c'est. On va faire comme Maurice. Ouais. On la décompose. On la décompose. Bon, la une, c'est que Bob l'a trouvée. Ah oui. La une. C'est le jingle. Oh bravo. Ah, bravo. Il se fait avoir. Bon et on laisse l'invité. Oui, on laisse la primeur de la réponse à l'invité. France Gall. Ouais. C'est Serge. Oui, c'est Serge. C'est merveilleux. Alors ensuite, ça c'est pour Bob. Et là, comme tu m'as dit que c'était vieux, j'ai tenté Georges Guettari. Non, Évrard. Les deux dernières lettres sont bonnes. Les trois dernières lettres sont bonnes. Harry. Alors donc, c'est pas bon, moi, que j'ai trouvé. Je sais pas, je t'ai pas né, chérie. Harry du nom de famille? Oui. Non plus, ça se termine pas. En Harry. Harry. Philippe. Non, je vois pas. Harry Belafonte. C'est André Dassary qui chantait Maréchal. Voilà. Oh là, ça c'est dur. Alors, suivante. On voit. La suivante, elle est facile. Ah bah ça c'est pour Alex. Hein. C'est chez nous ça. Et oui. C'est Annie. C'est Annie. Oui. C'est la baronne. Tout à fait. Oui. La guerre étant finie. T'as une bonne discothèque, hein, Fred. Oh. Bon, là, il y a que Philippe. Ouais, oui, là, j'ai mis Johnny Clegg comme un con. Voilà, moi, je pensais à lui aussi. Alors, est-ce que Philippe a trouvé? Moi, j'aurais dit Alzheimer. Al Jarreau. Oui, c'est Al Jarreau. Al Jarreau, c'est bien joué. Alors. Ça m'énerve. Mireille Mathieu. Ça, je l'ai pas trouvé. Mais oui. T'as mis Michel Thor. Ah, c'est la Mathieu. Et c'est Mireille Mathieu qui chantait Jeanne d'Arc. Non, mais Michel Thor, elle chante pas comme ça. Un petit extrait. Emmène-moi danser ce soir. Intervention, c'est le dentier. Oui, c'est Jeanne d'Arc, c'est Mireille Mathieu. La pucelle. Je parle de Jeanne d'Arc. Hein. Ah bon, oui. Et à ce qui paraît que. Alors. Ça, c'est facile. Mais ça, c'est le générique d'une série. Des Brigades du Tigre. Oh, oui. Qui c'est qui chante ça? Mais qui c'est qui chante? Bah, c'est bien la question que je vous pose. Ouais. Il a chanté les points sonneurs du Clic des Lignes. Ah oui, non. Je le laisse dire parce que j'ai lu sur ça. Ah, t'as copié sur ça. C'est Gainsbourg? C'est Philippe. Clay. Clay. Philippe Clay. Tout à fait, tout à fait. Et puis la dernière. Et puis la dernière. Mais c'est une vieille celle-là. Renaud. Celle-là? Ah, c'est une vieille celle-là. Ah bah c'est, non, c'était sur Mitterrand, c'était après la mort de Mitterrand. C'est Renaud. Oh, que bah, des personnages historiques. Et il a quand même bien assuré, Alex. Ah bah bravo. Oui, on peut l'applaudir. Oui, c'est vrai. Et moi, non. Et moi, non. Toi, non. Et bien entendu, il ne faut pas oublier d'applaudir aussi Frédéric Coster pour la préparation de ce quiz. Exceptionnellement, alors. Il y en a deux qui applaudissent pas, regardez le public là-bas. Arrive donc. Mais quand on a un public de 60, vous fraîchiez les feignasses. Oh là, là, allez, pour finir l'émission, une dernière tournée de blagues. Eh ben, on est pas dans la merde. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Allez, BG. Quelles sont les choses les plus inutiles au monde? Bob et Maurice. Les couilles du pape. Oh non. Et c'est tellement vrai. Alors, en Belgique, ils ont fait des nouvelles pièces d'euros. Oh là là, ah. D'un côté, il y a une gomme, et l'autre côté, de dessiner, et l'autre côté, il y a une pince à épiler. Ah bon? Parce que des fois, ça épile, et puis des fois, ça efface. Oh là là! Et regardez, il est content. Il est content. Est-ce que, en Belgique, est-ce que. Oh là là, mais arrêtez, le quai belge! Non, mais vous, non, justement, vous connaissez Zaya? Mais évidemment qu'on connaît Zaya. Bon, alors, est-ce que tu sais justement ce qui se passe quand Zaya tombe du lit? Elle se tape un bleu. J'écris des textes pour Bernard Mabille aussi. Ah, il va être content. Alors, ça se passe dans une classe. C'est un instituteur qui donne son premier cours d'éducation sexuelle pour les gamins. Donc, il dessine un sexe masculin au tableau. Alors, quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Moi, monsieur, c'est un pénis. D'ailleurs, mon père, il en a deux. Il en a deux? Comment ça, il en a deux? T'es sûr de ça? Oui, il en a un tout petit pour faire pipi et un très gros pour laver les dents de la babysitter. Je vous en fais une vraie de chez moi. Ah. Ça se passe à Liège, dans un cirque qui s'est donc installé dans la cité ardente liégeoise. Et on attend l'événement. L'événement, c'est Thiès de Fée. Donc, traduction tête de fer. Ah. C'est un mec important. Il arrive à la fin du spectacle. Il arrive avec une énorme enclume. Et au moment où il monte, quand même, on voit le mec gringalet. Il ressemble pas à grand chose, comme ça, 35 kilos tout mouillé. Et il dit, ouais, un peu comme le régisseur. Et puis, il dit à un mec du premier rang, mais vraiment balèze, il dit, prends l'enclume, tu me la lances, mais vraiment fort sur la tête, et moi, j'ai aucun problème. Et le mec, il est là, il est très gêné, il se dit, mais quand même, si je vais lui défoncer la gueule, quoi. Il attrape l'enclume, paf, il la lance sur le gars, bam, le mec tombe, se relève pas, coma. Et donc, on se retrouve à l'hôpital, mais 2-3 semaines de coma, Thiès de Fée, sa famille vient autour de lui, il se dit quand même, Thiès de Fée, on attendait quand même à quelque chose d'autre. Et petit à petit, on sent qu'il reprend vie. Donc l'électrocardiogramme là, repart, et donc ses amis sont autour de lui. Et puis à un moment, il ouvre enfin un œil. Et il voit tout le monde autour et il se lève et il fait « Et voilà !» Bon. Ah, il y a Thierry Roland. Oui. Alors, une chose qu'il va falloir quand même dire tout de suite, ce sont les scores. Ah, s'il te plaît. Oui. Ah. Donc, bon, les Flamands. GG et Bob. Va te faire foutre. Mais ça, c'est exactement ce que disent les Flamands en Belgique aussi. Un point. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo. Et les Wallons ont marqué 5 points. Ah. Les Wallons gagnent. On vous emmerde. C'est ce que disent les Wallons aussi. Hein. Exactement. Donc, on va remercier chaleureusement Alex Vizorek de sa visite. Bravo. Merci à vous, c'était super sympa. Et puis, nos auditeurs qui nous écoutent en Belgique et en France peuvent voir sur le site internet Kings of comédie.be. Comédie avec un Y. Exactement. Toutes les dates de, des passages, des tournées, tout ce qui se passe, ton actu et tout ça. Exactement, exactement, tout à fait. T'as pas un Facebook aussi, non ? Si, si, vous pouvez tous être amis avec moi. Alex Vizorek, V-I-Z-O-R-O-K. Voilà. Et ben voilà, vous le demandez à Mick sur Facebook. Merci Alex de ton passage. Et on t'applaudit encore. Retrouvez l'émission sur internet onvasemarrer.com. Ça, c'est les anciennes émissions. Le podcast de la semaine, c'est sur iTunes. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'émission, voir les photos et tout, c'est le, la page Facebook, le groupe Facebook On va se marrer. Voilà. Vous nous demandez, vous vous inscrivez, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Merci de votre patience. À la prochaine fois. Bravo.